The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To doze off. S'assoupir. Scatterbrain. La tête en l'air. To keep an eye on. Garder un œil sur. To space out. Être dans la lune. Pine tree. Le pain. Struck by lightning. Foudroyé. Uprooted. Déraciné. To make way for. Laisser place à. Gaping. Béant. To crawl into. Se faufiler. To be dark as night. Faire noir comme dans un four. Chicken. La poule mouillée. Rock painting. La peinture rupestre. Now, a bit faster. To crawl into. Se faufiler. To keep an eye on. Garder un œil sur. To doze off. S'assoupir. Scatterbrain. La tête en l'air. Chicken. La poule mouillée. Rock painting. La peinture rupestre. To make way for. Laisser place à. Struck by lightning. Foudroyé. To keep an eye on. Garder un œil sur. Struck by lightning. Foudroyé. Rock painting. La peinture rupestre. To doze off. S'assoupir. To be dark as night. Faire noir comme dans un four. To doze off. S'assoupir. Struck by lightning. Foudroyé. Chicken. La poule mouillée. Struck by lightning. Foudroyé. Gaping. Béant. To doze off. S'assoupir. To space out. Être dans la lune. Scatterbrain. La tête en l'air. To doze off. S'assoupir. Uprooted. Déraciné. To keep an eye on. Garder un œil sur. Uprooted. Déraciné. To crawl into. Se faufiler. Uprooted. Déraciné. Now, use the words in context. S'assoupir. It's normal that you don't remember anything. You dozed off during the conference. C'est normal que tu ne te souviennes de rien. Tu t'es assoupi durant la conférence. Être dans la lune. Little kids space out so often, they think about something else. Cela arrive souvent aux petits-enfants d'être dans la lune. Ils pensent à autre chose. Foudroyé. The church tower bell was struck by lightning during the storm. Le clocher de l'église a été foudroyé durant l'orage. Laisser place à. A couple of weeks after his defeat, the president made way for his successor. Quelques semaines après sa défaite, le président a laissé place à son successeur. La poule mouillée. He will never dare parachute jumping. He's a wimp. Il n'osera jamais sauter en parachute. C'est une poule mouillée. S'assoupir. It's normal that you don't remember anything. You dozed off during the conference.